Commission, corruption, dopage, lockout. Augmente de 20% le nombre de bonbons que tu avales. Mets ton déguisement et fais les rues de Montréal, Mascouche et Laval. Maman? Pourquoi il m'a donné des bonbons dans une enveloppe brune? Dans le dossier du français, c'est rare qu'Ottawa se mouille. La seule fois qu'il protège les frogs, il ferme Gamelin pour sauver des grenouilles. Caquita, tout le monde veut l'acclamer. Sauf un maire un peu gata qui est pas capable de le prononcer. Ici le maire de Saguenay. On m'a demandé de saluer la nouvelle sainte québécoise à notre prochaine réunion. Vous avez finalement trouvé une façon de me faire annuler la prière avant le conseil municipal. Surprenant nous a coulé, faisant plein de cash en commission. À notre tour de le couler, qui passe au cash à commission. Monsieur Surprenant, comment vous justifiez avoir pris 700 000 $ en fonds publics puis l'avoir joué au casino? C'était ma façon de remettre à la société. Bon, désolé, là, c'est mon nouveau iPhone. J'ai une nouvelle app qui s'appelle Bullshit Detector, puis je sais pas comment l'éteindre. Mais vous savez, je regrette beaucoup. Je savais pas que la mafia était derrière ça. Mais là, aidez-moi un peu, là. En bœuf, tu vas te déguiser, ça va être tout un hit. On t'appellera bœuf avarié ou bien matricule 728. Comment vous avez choisi 728 comme matricule? Ben là, c'est mathématique, là. Okay. J'ai pris mon quotient intellectuel, puis j'ai fait plus 727. Okay. Là, je retiens deux. C'est correct, madame. Une autre qui a été démasquée. La chicane chez nos voisins, Romney ou Obama. Écoutez bien, États-Unis, ramenez-nous Obama. Et comme nos voisins du Sud, l'économie sème l'inquiétude. Même au Canada, y a de l'effort pour la création d'emplois. Parti libéral. Oui, j'appelle pour l'entrevue pour un emploi. Pour quel poste? Chef de parti. Il va falloir être plus précis. On a des ouvertures dans trois départements présentement. Québec, Toronto, Ottawa. Mon Dieu, la demande est forte. Non, c'est plutôt l'offre qui est faible. Bon, ben, allons-y pour Ottawa, tiens. D'accord. Vous êtes? Trudeau. OK, ça c'est... C'est mon nom de famille. D'accord. Et quel est, selon vous, votre plus grand accomplissement qui illustre votre mérite pour le poste? Je viens de vous le dire, c'est mon nom de famille. Lance Armstrong fait du pipi qui brillera plus longtemps que Gentilly. C'est pour ça que les deux seront déclassés. Octobre, c'est le mois des démasqués. Pipi dans le pot, pipi dans le pot. À occupation double, notre intelligence est dans le trouble. Trouves-tu que t'es trop agressive avec les garçons? Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, quand je veux quelque chose bien fort dans la vie, je vais l'obtenir. OK, fait que ton secondaire 3, t'as pas dû le vouloir bien fort. Hein? Je la comprends pas. C'est vrai que ça va aller. C'est pas de ma faute, c'est parce que j'ai manqué d'air à naissance. Pour... On l'avait pas mal tout deviné. Ça fait plus de 20 ans que Laval a un merveilleux cours. Ça fait plus de 20 ans que Laval est à court d'un merveilleux. Démasqué. Les nouvelles de tous les soirs me donnent une bien mauvaise mine. La morale de cette histoire en ce mois de l'Halloween. Quand tu veux ta part de bonbons, il faut bien te déguiser. Mais si tu voles sur des autres garçons, chez vous tu vas rentrer, puis tes parents ils vont te démasquer.